est temps pour nous, puisqu'il est 20h, de commencer la saga des Fab Four. Join me on RIG. Ne cherchez plus. Vous êtes bien sur RIG, quel plaisir, mais vraiment c'est sincère, quel plaisir de vous retrouver chaque mercredi entre 20h et 22h sur RIG 90.7 pour la saga des Fab Four. On ne regarde rien d'autre, il n'y a rien d'autre d'intéressant à la télé ou à la radio. Si, à la radio, ici, sur 90.7, sur RIG. Voilà, l'album de la semaine de cette saga numéro 335, c'est l'album Somewhere in England de George Harrison en 1981. On écoutera Unconsciousness Rules, il y aura également Life Itself, très belle chanson, Flying Hour, qui n'est pas dans l'album à l'origine, mais qui a été composé pour l'album puis rejeté. Mais j'aime cette chanson, j'avais envie de vous la proposer. Il y aura également All Those Years Ago, la chanson qui réunit Paul McCartney, Ringo Starr et forcément George Harrison pour rendre hommage à leur ami disparu John Lennon. Il y aura le fantastique Baltimore Oriole. Et on terminera avec Writings on the Wall. Voilà, ça c'est pour George Harrison et l'album de la semaine. Il y aura également du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Ringo Starr par exemple, nous sommes en 1970 et l'album Sentimental Journey et cette chanson Love is a many splendid thing, da, da, da, etc. Bon, Ringo le chante mieux que moi, donc il le chantera en deuxième chanson. On écoutera Real Love de John Lennon, mais pas la version des Beatles en 1996, ni même une des versions de John Lennon qu'il avait sorti je ne sais plus trop quand, mais la version de la bande originale du film Imagine, sorti en 1988. Si vous aviez pu voir ce film au cinéma, moi j'avais eu la chance de le voir, c'était à partir de 100 heures d'enregistrement de John Lennon, John Lennon qui raconte sa propre vie. C'était très très très intéressant. J'ai le DVD à la maison, je peux vous le prêter à l'occasion, mais il faut venir le chercher. Voilà, et donc ce sera Real Love, cette version alternative, on va dire. Pour McCartney, ce sera Too Many People sur Ram en 71, et pour les Beatles, on commencera avec We Can Work It Out sur les Past Masters de 1989, ou si vous le souhaitez, sur le single de 1965. Quelle année sympathique, 65. Allez, on commence. Unconsciousness Rules. Monsieur George Harrison sur l'album Somewhere in England. Bonne soirée à vous. Évidemment, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com dans l'espace La Saga des Fab Four ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. A tout de suite. Dance at the discotheque. That's why he looks at you red. Your face is pale, you look torn. Your paws are dirty and torn. You've got the lucky eyes that says you have the line and you're lost inside. Meanwhile, you're back in your cage. You go down on the stage with the unconsciousness rules. Got yourself in a bind. You don't know how to unwind. Your sense is unsatisfied. Take you along on the ride. You've got awareness and sensation. Dance the hands off of everyone. Then you go back on the floor. Got to get through the door where the unconscious was ruled. nothing can stand in your way. You're living there today, where the unconscious is fool. Grande surprise de l'après-Beatles. Qu'est-ce qu'allait devenir Ringo Starr ? Lui qui avait eu la chance de faire partie des Beatles, lui qui avait collaboré si peu, Don't Pass Me By, Octopus's Garden, au succès des Beatles. Oui, mais c'était sans compter sur le charisme de Ringo Starr. Oui, c'était le batteur gentil, le gars avec qui on a envie d'être parce qu'il est sympa, il est, et surtout, quand il bat son rythme, il bat la cadence autant de temps que vous le voulez, et il le fait très très bien. Un métronome ne ferait pas mieux. Oui, et bien en 1970, il va sortir deux albums. D'abord cet album-là, Sentimental Journée, qui surprend, parce que rappelez-vous, l'année d'avant, on sortait de Abbey Road, le truc super compliqué. Ben lui, il le fait orchestral, façon années 30, années 40, et il s'en sort bien, ça va bien avec sa voix. Et puis la même année, il sortira également un album fait très très vite à Nashville, de musique country, du plus bel effet. Oui. Donc, merci, bravo Ringo Starr. D'ailleurs, si on fait le compte, deux albums pour lui en 1970. Il a participé à All Things Must Pass de George Harrison. Il a participé également à Plastic Ono Band de John Lennon. Bon, il n'a pas participé à l'album de Paul McCartney, d'accord. Mais il a eu une année quand même bien remplie, oui, sans problème. Merci Ringo, on te re-entendra plus tard. Voici Johnny, Johnny, pas Johnny Hallyday, mais Johnny Lennon sur RIG avec Real Love. Paul McCartney dans la saga des Fab Four. Too many people going under.

when you see it your way. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. On peut y travailler, disent les Beatles, et ils avaient raison. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi de 20h à 22h. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine est sorti en 1981. C'est George Harrison qui l'a sorti, cet album-là. C'est un bon album avec de belles chansons dessus, et notamment celle-ci, Life Itself, sur RIG. but you're not there. Was I to blame for being unfair? Oh, I can't sleep at night since you've been gone. Just the same, I never weep at night. I call your name. Ow! Don't you know I can't take it? Just the same, I never weep at night. I call your name, I call your name, I call your name, I call your name. Life Itself de George Harrison. Deux chansons des Beatles ont suivi. D'abord, I Call Your Name, sorti en 1964. Quelle très belle année. Et écrit, d'après John Lennon, au milieu des années 50, quand il a abandonné le banjo pour la guitare. Et puis, I Feel Fine. Cette chanson date d'octobre 1964 aussi. Durant l'enregistrement de 8 Days a Week, John trouva le riff de guitare qui allait devenir la base de I Feel Fine. Une chanson qu'ils enregistreraient 12 jours plus tard. On est en octobre. J'ai vraiment écrit I Feel Fine autour du riff que l'on entend dans le fond, déclare John en décembre 64. C'est d'ailleurs un effet que j'aurais aimé répéter sur toutes les chansons chansons de l'album, mais les autres n'ont pas voulu. Je leur ai dit que j'allais écrire une chanson sur ce riff alors. Ils m'ont répondu, bah ouais, vas-y, pourquoi pas, puisque de toute façon l'album est presque terminé. Donc je suis arrivé au studio un matin, j'ai dit à Ringo, la chanson est finie, mais elle est pas terrible. Nous avons essayé quand même, on l'a joué en entier avec le riff, et comme elle sonnait comme un bon 45 tours, on l'a sorti comme ça. En plus de ce riff, cette chanson se distingue par le feedback qui vient s'inscrire au milieu de l'intro. Il s'agit de l'une de ses découvertes qu'il faisait en studio, qu'il jugeait intéressante et intégrée sur un titre parce que ça leur plaisait. Cette expérience, ces expériences, marquent un changement subtil dans leur approche de l'enregistrement. Ils maîtrisaient maintenant les bases du travail en studio et encourageaient George Martin à les emmener plus loin, à leur faire découvrir de nouvelles sources d'inspiration dans des sons qui jusqu'ici avaient été considérés comme des erreurs ou effacés. Mauvais réglage, problème de bande magnétique, bruit de fond. Le feedback allait rapidement faire partie intégrante du rock, utilisé tout particulièrement par Jimi Hendrix et les Who. Mais John fut toujours très fier du fait que les Beatles avaient été les premiers à effectivement graver un feedback sur le vinyle. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ces deux chansons-là. Voici Paul McCartney et la petite fille à maman, Mama's Little Girl sur RIG. If you want our love to last. Well, I used to walk you home, baby, after school, carry your books home too. But now you're gonna fall up in the diamonds lead. Baby, what you trying to do? You better slow down. If you want our love to last. Rock'n'roll comme on l'aime sur RG. Les Beatles, il y a quelques secondes sur RG 90.7. C'est vraiment la radio des Beatles le mercredi de 20h à 22h. C'est sorti en 1964, cette chanson-là, en single. Et elle avait été créée par Larry Williams en 1958. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous allons revenir à l'album de la semaine, en partie si on veut, puisque cette chanson n'est jamais sortie sur l'album Somewhere in England de 1981. Mais pourtant, elle avait été composée pour cet album et la maison de disques a dit non, on n'en veut pas, c'est pas terrible. Alors, George Harrison a été contraint d'en composer d'autres et de les inclure dans cet album-là. Et pourtant, quand on écoute Flying Out, c'est plutôt sympa. Back to remember.

dirigé que vous écoutez sur 90.7 et pour Bordeaux même et le reste de la France, de l'Europe et du monde, c'est aussi sur www.rigfm.fr. Vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Vous nous retrouvez sur macaclub.com dans l'espace réservé à La Saga des Fab Four ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Voici John Lennon sur RIG avec une chanson que l'on connaissait en live sur, je le répète avec des guillemets, le mauvais album de 1972, Sometime in New York City, mais qu'il avait également travaillé en studio. On a découvert ça lors des anthologies de John Lennon. Voici Baby Please Don't Go sur RIG. En version studio, vous avez compris. Do for you right now. L'avantage de cette version studio, c'est qu'on entend le saxo et non pas les beuglements de... Non, j'allais dire une grossièreté. Vous voyez ? Bon, enfin, voilà. Et puis, si vous voulez vraiment... trouver la fréquence dirigée quand vous passez près de Bordeaux, je vais vous aider à tourner le bouton du tuner de façon à tomber sur la bonne fréquence. What did you do when you met the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something. Parce que j'adore cet album, parce que je veux qu'il soit remasterisé et qu'on apprenne tout ce qu'il y a à apprendre dessus, parce que je veux qu'il chante sur scène So Glad to See You Here, encore un extrait qui n'était pas prévu au programme. Friends, come on. We George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur Érigé. Brown Shoe est l'une des trois chansons de la maquette que George enregistra dans les studios Abbey Road le 25 février 1969. Les deux autres étant Something, un futur 45 tours des Beatles, et All Things Must Pass, la chanson titre de son premier album solo, qui sortirait en 1970. Les paroles reflètent les opinions religieuses de George, qui pensait que l'on devait se libérer de la réalité d'un monde matériel qui n'est qu'illusoire. Une fois absorbé dans la conscience divine, il n'y aurait plus d'opposition entre le bien et le mal, entre le corps et l'âme, entre l'esprit et la matière. Le texte de la chanson est construit autour de ces oppositions, un peu à la manière du Hello Goodbye de Paul. La chanson ne raconte pas vraiment une histoire et la vieille chaussure marron du titre évoque surtout la difficulté chronique de George à trouver un titre approprié. L'inspiration de ce morceau est surtout musicale. George avait trouvé, en laissant courir ses doigts sur un piano, une séquence qui lui plaisait. Le texte fut ajouté plus tard. La version définitive de All Brown Shoe fut enregistrée 2 mois après la maquette et sortie en face B de The Ballad of John et Yoko. Mon livre ne dit pas si c'est George qui joue de la basse, c'est ce que affirme José sur Facebook. Je dois avouer que je ne sais pas. Je pensais que ce niveau de dextérité appartenait à Paul, mais sait-on jamais avec les Beatles, c'est possible. Il faudrait se renseigner. Voici la chanson que tout le monde a retenue de 1981, l'hommage à John par George, Paul et Ringo. So clear, Rest in peace, John Lennon, et thank you, George, Paul and Ringo. Vous êtes bien sur RG 90.7, c'est la saga des Fab Four. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson qui a été chantée par John, Paul, George et Ringo, que ce soit du temps des Beatles ou en solo. Et même si quelquefois ça peut être aussi Paul ou George et Ringo qui reprennent, ou George et John, voilà, il m'en manquait un, qui reprennent une chanson de leurs aînés, comme par exemple, je sais pas, Little Richard ou quelque chose comme ça. Eh bien, cette chanson-là, elle peut être prise par quelqu'un de connu ou pas. Et voici une chanson que je ne connaissais pas encore assez récemment. Le groupe s'appelle les Meters, The Meters. Et le titre du morceau que je vous propose ce soir, c'est Come Together. C'est extrait de l'album Glass Onion, The Songs of the Beatles. C'est sorti en 2003. Mercredi de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Non. chanson Simple as That est restée longtemps difficile à trouver. J'avais réussi à la trouver sur un obscur album. Je ne vais pas vous le dire parce que je ne l'ai pas en tête. Mais heureusement, maintenant, on la retrouve sur la ressortie de l'album Pipes of Peace de 1983. Si vous achetez l'album, eh bien, vous trouverez cette chanson inclue dans cet album-là, alors qu'elle n'en faisait pas partie à l'origine. Voilà. Un petit peu de Ringo va vous faire du bien. Voici Ringo sur RG. Ringo Starr, bien entendu. Ringo Starr. C'est en 1992 sur l'album Time Takes Time, c'est joyeux comme il faut. Voici I Don't Believe You sur RG. You've done me wrong. I can see it in your face. I can't take much more of this. Gonna put you in your place. Telling lies won't get you far. I learned that in my youth. I'm giving you just one more chance, and all I want from you is truth. I don't believe about your credit cards, all your fancy clothes. Forget about my rings and things, and the bottom for your nose. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But you won't see my face no more if you don't stop telling lies. I don't believe you. Stop your lies. Lonely eyes, truth is what you'll find. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But the next time that you do me wrong, I'll be kissing you goodbye. I don't believe you, 'cause I've been lied to. I don't believe you, 'cause I've been lied. C'est sympa cette chanson, n'est-ce pas? Ringo Starr en 1992 et l'album Time Takes Time. On revient à l'album de la semaine pour l'avant-dernière fois déjà, que le temps passe vite, c'est impressionnant. Voici cette superbe reprise, mais vraiment superbe reprise. Pour moi, c'est ma chanson préférée de l'album. Après, vous avez le droit d'avoir d'autres chansons préférées sur cet album-là, mais moi, celle-ci, je la passe en boucle sans aucun problème. Baltimore Oriole sur RIG. Baltimore, J'ai marqué tout à l'heure sur Facebook que j'investis pas mal pour la saga des Fab Four. Eh bien, vous allez peut-être apprendre que oui, je suis un petit peu le fan fada, puisque les albums, depuis quelques années maintenant, je les achète en double. Je les achète sur iTunes et en vrai. Les albums, je parle des Beatles ou de Paul, John, Ringo et George. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'album qui va sortir Sgt Pepper le 26 mai, je veux l'avoir en grand coffret pour le conserver, pour pouvoir l'écouter. Mais en l'achetant sur iTunes, on peut en avoir des petits bouts qui arrivent progressivement jusqu'au 26 mai, par exemple. Je vous propose donc en exclusivité, pour RIG, le premier extrait de cet album-là. Vous écoutez le son, c'est incroyable ce qu'a fait le fils de George Martin sur cet album-là. Voici Sgt Pepper, la nouvelle version, le nouveau mix, avec un son recentré. On a l'impression d'entendre des instruments qu'on n'avait pas entendus jusqu'à présent. Écoutez. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. probably be another day singing it. Yeah, I just heard it then. That was nice. Yeah. And what you could do with the bits where you can't get it. Alors ça, c'est la prise 9 de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'à la fin, lorsqu'il commence à dire « Free now, gotta be free now », et il dit « Je pense que je pourrais le chanter un autre jour », eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, Monsieur Paul McCartney, en 1967, puisque des années et des années plus tard, sur l'album qui s'appelle « Liverpool Sound College », sorti en 2000, il l'a écrit, enfin, il a fait une sorte de montage avec ce morceau. Écoutez. C'est la première fois que je le passe dans la saga. Tunnel. Don't you think? C'est peut-être pas rock, mais c'est extrait de l'album Rock and Roll de John Lennon en 1975. Vous êtes sur RJ encore quelques minutes et après, ce sera Johnny de A à Z. Just as long

on coupe pas maintenant pour mettre la chanson suivante, on va finir en retard. Oh bah on a l'habitude. Que l'on se quitte The World Love, puisqu'on arrive à l'émission suivante avec Eric Gallo, et que Eric Gallo et Love, c'est bien la même chose. D'avoir écouté cette 335e saga des Fab Four. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Elle est déjà prête, la saga. Bonne écoute de l'émission fantastique de Eric et à très très bientôt. Bisous, filles. Voyez-moi, garçon. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Ciao.